nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia.